Un nénuphar pousse dans mon cœur et je te vois dans un tube chromé tout au bout de mon doigt. Mon réel dans 6 heures au-dessus des nuages. Et tu fermes les yeux et tu tournes la page. Un papillon se pose sur tes lèvres et tu dors. Sous de la nuit, on change de décor. La main des sleeping vient de prendre la fuite. Aujourd'hui c'est un bring, demain de ces 8. Toi dans la glace ou juste un maquillage qui croise le regard d'une fille en voyage.